Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Gamozo, vous nous écoutez sur le 107FM ou sur internet. Il est 8h30, c'est Marion, vous êtes bien dans la matinale. Nous sommes le vendredi 26 avril, nous souhaitons une bonne fête aux Alidas. Ça vient du germanique, noble, idéaliste, sensible et émotive. Les Alidas ont tendance, face à l'hostilité, à se refermer sur elles-mêmes. Elles sont courageuses et déterminées. Il y a une sorte de dualité, de double facette chez elles. D'un côté, celle d'une femme affective, sympathique, altruiste, à forte sensibilité, plutôt extravertie. De l'autre, celle d'une femme introvertie, méfiante, prudente, timide, contrôlée et travailleuse, intellectuelle, qui apprécie la solitude, discrète, à l'esprit critique, parfois cynique. Ces deux tendances ne sont pas forcément incompatibles, mais font d'elles des personnages à part. Originales et d'avant-garde, elles sont inspirées et ont de hautes aspirations humanitaires, où les frontières, les races ou les barrières sociales n'existeraient plus. En fait, cet aspect lié au maître nombre 11 n'est pas aisé à vivre au quotidien. Il arrive fréquemment que les vibrations vécues soient celles du registre inférieur. On assiste alors à plus de passivité, de soumission, d'oubli de soi dans une dépendance aux autres. Nous fêtons également les Anaclés. Il a un type caractéologique très équilibré. Son activité est en rapport avec sa volonté, tandis que sa réactivité possède la même intensité que son émotivité. Il en résulte un homme maître de lui-même, ayant une réelle présence, fonceur mais prudent. Extraverti, il a toujours un œil sur son entourage, sur le monde et peut se dévouer corps et âme pour une cause. Il donne l'impression d'évoluer dans un monde simple où pour être heureux, il suffit de comprendre et d'aimer. Il dégage une joie de vivre et un climat de travail serein. Il observe une réelle rigueur dans son comportement. Il est juste, droit et ses principes de vie sont bien établis. Il a une foi très forte et un sens élevé de l'amitié et ni les échecs ni les trahisons ne le rebutent. C'est un homme de parole. Il accorde bien plus de crédit à sa réflexion, à son intelligence qu'à son intuition. Finalement, il s'en sert que pour valider, confirmer ses idées, ses actes. Dicton du jour, Saint Anaclé ferme la porte au dernier poids. Célébration internationale, aujourd'hui journée mondiale de la propriété intellectuelle établie en 2001 par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. C'est la journée de l'asexualité créée par l'AVA, Association pour la visibilité asexuelle. Au Guatemala et Nicaragua, c'est la journée des secrétaires. Et en Tanzanie, c'est la fête de l'Union. Dans les événements qui se sont déroulés un 26 avril 1964, naissance de la Tanzanie. En 1986, avait lieu la catastrophe nucléaire de Tchernobyl. En 1989 a été diffusé le premier épisode de Dragon Ball Z au Japon. Et enfin, en 2001, c'était le lancement de la saison 1 de Love Story, la première émission de télé-réalité en France. Et alors depuis, ça a été l'invasion des télé-réalités avec les ch'tis, les Marseillais, les anges et j'en passe. Allez, tout de suite, première pause musicale avec Duran Duran et leur titre « Ordinary World ». Turned on the light. suffering and grief. Fear today, forgot tomorrow. Ooh, yeah. Beside the news of holy war and holy me, ours is just a little sorrow. Le groupe Duran Duran sur RGM. Allez, il est un peu plus de 8h38, on parle anniversaire et il y en a pas mal aujourd'hui. Ils sont nés un 26 avril 1933, naissance de Carol Burnett, actrice américaine, vue dans la saison 2 de Desperate Housewives, dans Glee, dans Hawaii 5-0, dans la saison 4 où elle interprétait le rôle de la tante Deb McGarrett. C'est également l'année de naissance de Jean-Pierre Moulin, acteur français spécialisé dans le doublage, connu pour être la voix officielle de Jack Nicholson depuis Vol au-dessus d'un nid de coucou et d'Anthony Hopkins depuis Le silence des agneaux. 1949, naissance de Dominique Sénard, réalisateur américain à qui l'on doit 60 secondes chrono, Opération Espadon ou encore Le dernier des Templiers. 1958, naissance de Giancarlo Esposito, acteur américain vu dans Cotton Club, Malcolm X dans le rôle de Thomas Ayer, Usual Suspects dans le rôle de Jack Bauer, Le labyrinthe, la terre brûlée, Le labyrinthe, le remède mort dans le rôle de George, ou encore la série télé Once Upon a Time où il interprétait les rôles de Sidney Glass alias Le Miroir ou encore Le Génie de la Lampe. 1960, naissance de Roger Taylor, musicien britannique du groupe Duran Duran. 1962, naissance de Michael Damian, acteur américain connu pour son rôle de Danny Romalotti Senior dans la série télé Les Feux de l'Amour. 1963, naissance de Jet Li, acteur chinois vu dans L'Arme Fatale 4, Roméo doit mourir, Le baiser mortel du dragon, Danny the Dog, La momie, la tombe de l'empereur dragon ou encore Expendables 1, 2 et 3. 1965, naissance de Kevin James, acteur américain connu pour son rôle de Doug Efferman dans la série Un gars du Queens et vu au cinéma dans Hitch, expert en séduction dans le rôle d'Albert. 1966, naissance de Didier Gustin, humoriste et également acteur français, vu par exemple dans Section de recherche ou encore Alice Nevers, Le juge est une femme. 1967, naissance de Marianne Jean-Baptiste, actrice anglaise connue pour son rôle de Vivienne Johnson dans la série télé FBI Portée Disparue, son rôle de Bethany Mayfair dans la série Blind Spot et vu également dans Sons of Anarchy ou encore Private Practice. 1970, naissance de Sébastien Follin, présentateur télé français qui a par exemple présenté de 2003 à 2008 Vidéogag ou de 2012 à 2018 l'émission Harry. C'est également l'année de naissance de Tion Watkins, chanteuse américaine du groupe TLC. 1974, naissance d'Ivana Milicevic, actrice américaine vue dans Vanya Sky dans le rôle d'Emma, dans Paycheck dans le rôle de Maya, dans Love Actually ou encore Casino Royale dans le rôle de Valenka. 1977, naissance de Jason Earls, acteur américain vu dans Benjamin Gates et le trésor des Templiers où il a interprété Thomas Gates jeune, vu dans la série Fil du futur dans le rôle de Grady Jacked, ou encore Anna Montana dans le rôle de Jackson Stewart ainsi que le film. C'est également l'année de naissance de Tom Willing, acteur mannequin américain, vu au cinéma dans 13 à la douzaine 1 et 2 dans le rôle de Charlie Baker, surtout connu pour son rôle de Clark Kent alias Superman dans la série Smallville, vu également dans Lucifer et bientôt dans la série Arrow, on ne connaît encore pas son rôle. 1978, naissance de Stana Katic, actrice canadienne, vue dans Quantum of Solace dans le rôle de Halloween à la télévision dans 24 heures chrono, Heroes, Les Experts Miami, mais surtout la série Castle où elle interprétait le rôle de Kate Beckett. C'est également l'année de naissance d'Anna Mouglalis, actrice française vue dans La Captive dans le rôle d'Isabelle, ou encore Coco Chanel et Igor Stravinsky dans le rôle de Coco Chanel. C'est également l'année de naissance de Pablo Schreiber, acteur canadien vu dans Vicky Cristina Barcelona dans le rôle de Ben. La série télé New York Unité Spéciale depuis 2013, la série Orange is the New Black dans le rôle de George Mendes. 1979, naissance d'Ariane Brodier, présentatrice télé française, humoriste et également actrice, vue dans Section de Recherche, Fais pas ci, fais pas ça, ou encore quelques épisodes de Camping Paradis dans le rôle de Juliette Vanin. 1980, naissance de Jordana Brewster, actrice américano-brésilienne, connue pour son rôle de Mia Toretto dans la saga des Fast and Furious, vue dans la série télé As the World Turns dans le rôle de Nicky Munson, Chuck dans quelques épisodes dans le rôle du docteur Jill Roberts, dans Dallas, la nouvelle génération dans le rôle d'Elena Ramos, ou encore la série L'arme fatale dans le rôle du docteur Maureen Cahill. C'est également l'année de naissance de Laurent Ournac, acteur français découvert dans la télé-réalité Mon incroyable fiancé. On le connaît depuis 2006 pour son rôle de Tom Delorme dans la série Camping Paradis, vu également dans Joséphine Ange Gardien ou encore Nos chers voisins. C'est aussi l'année de naissance de Channing Tatum, acteur américain vu dans Sexy Dance 1 et 2 dans le rôle de Tyler Gage, Public Enemy, G.I. Joe, le réveil du cobra, G.I. Joe, conspiration dans le rôle de Conrad Hauser, Je te promets, 21 Jump Street ainsi que la suite, 22 Jump Street dans le rôle de Greg Jenko, Magic Mike et Magic Mike XXL dans le rôle de Mike Lane alias Magic Mike, Waterhouse Down dans le rôle de John Cale, Les 8 salopards, producteur de 21 Jump Street et 22 Jump Street de Magic Mike et de Magic Mike XXL ou encore de Waterhouse Down. 1984, naissance d'Emily Wickersham, actrice américaine vue à la télévision dans Les Sopranos, Gossip Girl et depuis 2013 dans NCIS Enquête Spéciale dans le rôle d'Ellie Bishop. 1985, naissance de Johnny Isner, joueur de tennis américain professionnel depuis 2007. Meilleur classement ATP, la 8e place atteinte en 2018, demi-finaliste à Wimbledon, quart de finaliste à l'US Open, 8e de finaliste à l'Open d'Australie et Roland Garros, et il a remporté une Hopman Cup en 2011. 1987, naissance d'Antonin Manavian, hockeyeur sur glace français, ayant joué à Rouen, Grenoble, Angers, voilà, il a fait la valse. Après à Alba Volan, de nouveau à Angers, de nouveau à Alba Volan. Cette saison, il a joué à Zagreb avant de venir renforcer l'effectif grenoblois. 1989, naissance de Luc Brasset, acteur australien, connu pour son rôle de Trey Palmer dans la série télé Summer Bay, vu au cinéma dans G.I. Joe Conspiration, Point Break en 2015 dans le rôle de Johnny Utah ou encore Tu ne tueras point de Mel Gibson. En 2009, décédée Macha Béranger, animatrice radio française et également actrice, vue dans Vipère au point, Comme tu es belle ou encore la série Père et Mère ou bien Sous le soleil où elle incarnait Béatrice Mondino. Allez, petite pause avec le groupe TLC et leur titre No Scrubs. A scrub is a guy that thinks he's fine and is also known as a buster. Always talking about what he wants and just sits on his broke ass soul. No, I don't want your number. Trying to holler at me. I don't want no scrub. A scrub is a guy that can't get no. son, I'm talking to you. If you have a shorty that you don't show love, oh yes, son, I'm talking to you. Wanna get with me with no money? Then it leaves you in a class with scrubs, never rising. I don't find it surprising if you don't have the cheese to please me and bounce from here to the coast of overseas. So, let me give you something to think about. Inundate your mind with intentions to turn you out. Can't forget to focus on the picture in front of me. View it clear as DVD on digital TV screens. Satisfy my appetite with something spectacular. Check your vernacular, and then I get back to ya. With diamond-like precision, insatiable is what I envision. Can't detect acquisition from your friend's expedition. Mr. And all my senoritas and stepping on your felines, but you don't hit me though. No, I don't want no scrub. No scrub is a guy that can't get no love from me. Les TLC avec leur titre No Scrubs sur le 107 FM, presque 8h49, on fait un point météo. La météo. Et ce sera une journée pluvieuse, des températures comprises entre 7 et 8 degrés ce matin, entre 14 et 15 degrés pour cet après-midi. Samedi, de la pluie, des températures comprises entre 7 et 8 degrés le matin, entre 9 et 10 degrés prévues pour samedi après-midi. Et dimanche, ce sera de la pluie, des températures comprises entre 4 et 5 degrés le matin, entre 8 et 10 degrés prévues pour dimanche après-midi. Allez, on file tout de suite faire un point sur l'actu sportive. Les résultats sportifs. Tennis à Istanbul, Kristina Mladenovic s'est qualifiée en 2-7 face à Kozlova, 6-1-6-2. La Française affrontera aujourd'hui Martic. À Barcelone, a noté l'élimination de Benoît Paire en 2-7 face à Peya, 7-5-6-3. Il n'y a plus de Français en compétition. Nadal s'est qualifié en 2-7 face à son compatriote Ferrer, 6-3-6-3. Et Dominic Thiem s'est qualifié en 2-7 face à Mouniard, 7-5-6-1. Aujourd'hui, Nadal se repose à Struff et Thiem affrontera Peya. Et aujourd'hui à Budapest, Herbert affrontera Balaz. Un mot de football en Ligue 1 ce soir, Bordeaux reçoit Lyon. Dimanche, Amiens recevra Strasbourg, Angers, Reims, Caen, Dijon, Lille, Nîmes, Nice, Guingamp, Saint-Etienne, Toulouse et Marseille, Nantes. Et mardi, Montpellier recevra le Paris Saint-Germain. En Ligue 2 ce soir, Nancy reçoit l'AC Ajaccio et Metz se déplace au Red Star. En basket, en Pro B, samedi, Nancy recevra Nantes. En National 1, dimanche, en Playdown, le Jet Vosges recevra le club de Lorient. A noter que l'entrée sera gratuite. Et un mot de hockey sur glace pour terminer avec tout d'abord les playoffs de NHL, quart de finale pour l'équipe de Columbus où évolue le français, hein, Alexandre Texier. Et bien malheureusement, Columbus s'est incliné cette nuit face à Boston 3-2 après prolongation. Et on va parler de l'Épinal Hockey Club. La décision du tribunal a été mise en délibéré. Il faudra patienter jusqu'au 24 mai prochain pour avoir donc la décision du tribunal, c'est dans un petit peu moins d'un mois. Voilà pour l'actualité sportive. On va tout de suite marquer notre dernière pause musicale avec Jacques Dutronc qui fête son anniversaire ce dimanche. Et on va écouter Les Cactus. Le monde entier est un cactus. Il est impossible. Dans leur cœur.